إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في الكلام عن فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est notre deuxième assise autour des vertus des nobles compagnons ridwanullahi alayhim. Et ce qui implique que nous devons parler de ces nobles compagnons ridwanullahi alayhim, premièrement parce que les nobles compagnons du messager alayhi salatu wassalam sont les meilleurs de l'humanité après les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. Et aussi parce que la voie de ces nobles compagnons, c'est la voie pour être sauvé, c'est la voie de la vérité, c'est la voie du bonheur dans ce bas monde et dans le delà, et c'est la voie des croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de s'y cramponner, de mordre dessus avec nos molaires. Et les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ou l'amru thalith الذي يوجب علينا أن نهتم بصحابة رسول الله وبمنهجهم، أن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أمثلة عالية في كل مجالات الخير، فلا بد أن نتمسك بمنهجهم. Le troisième point qui est obligatoire pour nous de se penser sur la vie de ces nobles aïeurs, ridwanullahi alayhim, c'est qu'ils nous ont donné les meilleurs des exemples dans tous les domaines du bien. Donc il est obligatoire pour nous de se cramponner à leur voix. فننظر أمثلة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أحبوا رسول الله؟ كيف كانوا في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه صحابية جليلة قتل يوم أحد أبوها وأخوها وزوجها، فلما نعولها قالت كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل لها هو على خير ما تحبين، فقالت دعوني أنظر إليه، فلما رأته قالت كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، تريد أن كل مصيبة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه صغيرة ما في إشكال. وهذا أورده الطبري في تاريخه وابن هشام في سيرته رحمهم الله تعالى. Quand on regarde maintenant les exemples qu'ils nous ont donnés dans le fait d'aimer le Rasoul صلى الله عليه وسلم. Voici une noble compagnon رضوان الله عليها. Le jour de la bataille de Uhud, son père a été tué, ainsi que son frère, ainsi que son mari. Regardez, son père, son frère et son mari. Quand il lui a annoncé la nouvelle de la mort de ces trois hommes, qui sont son père, son frère et son mari, il a dit, qu'est-ce qu'il en est du prophète alayhi salatu wassalam? On lui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam est dans la meilleure des situations, et dans la situation que tu aimerais qu'il soit. Il a dit, faites-moi voir, je voudrais voir de mes propres yeux. Quand il a vu le messager alayhi salatu wassalam, il a dit ceci, radwanullahi alayhi, toute catastrophe, et que tu sois épargné à Rasulallah, ceci n'est rien du tout. Toute catastrophe, il peut, et devant le fait que tu sois épargné une bonne santé à Rasulallah. Hada, c'est une noble compagnon. Regardez cet amour qu'ils avaient du messager alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il est obligatoire qu'on se cramponne à leur voix. وهذا صحابي جليل أسرته قريش فأخذوه ليقتلوه. فقال له أبو سفيان: يا زيد أنشدك الله، أتحب أن محمدا مكانك الآن تضرب عنقه وأنت جالس في آلك؟ Voici un noble compagnon, Ridwanullah alayh. Quraysh l'a pris comme prisonnier et ils l'ont amené pour le tuer. Et Abu Sufyan lui a dit: Ou Zayd, je te demande par Allah, est-ce que tu n'aimerais pas que Muhammad soit à ta place et qu'on lui coupe la tête et que toi tu es entre les tiens, entre ta famille, au milieu de ta famille? فقال زيدون رضي الله عنه وارضاه: والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا في أهلي. زيد رضوان الله عليه سنوب الكمباني ويجي: par Allah je n'aimerais pas que Muhammad là où il est chez lui là où il est qu'une épine le touche ou lui fasse du mal alors que moi je suis chez moi entre les miens. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمدا. أخرجه الطبري في تاريخه وابن هشام في سيرته رحمهم الله جميعا. يا أبو سفيان كالله سبحانه وتعالى لقري. Il a dit: je n'ai pas vu des gens aimer quelqu'un comme les nobles compagnons, comme les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam aiment Muhammad alayhi salatu salam. Et ceci est rapporté dans l'histoire de Tabari et dans la biographie d'Ibn Hisham, rahimallahu al-jami'. Aina tarabba haoula ya akhwat al-islam. ثم يأتيك خبثاء القرن العشرين، يأتيك ضلال الشيعة ورافضتهم يسب هؤلاء والسب أولى بهم. Où ils étaient éduqués ceux-là, ces nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Et après, à notre époque, arrivent des impurs, des égarés, des rafidis qui les insultent, alors que c'est eux qui méritent les insultes. وهذا أبو طلحة يوم أحد يرمي أعداء الله بسهامه فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك. وهذا أورده الإمام البخاري والإمام مسلم. ما هذا الحب إخوة الإسلام؟ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه وكانوا كذلك رضوان الله عليهم. Et voici Abu Talha, Ridwanullahi alayhi, le jour de la bataille d'Uhud. Il jette ses flèches, il tire ses flèches sur les ennemis d'Allah. Et tout d'un coup, le messager d'Allah s'est mis en exposition, en apparence, pour regarder. Il jetait un regard sur les ennemis d'Allah. Et Abu Talha lui dit: je sacrifierai pour toi ma mère, mon père, ne t'expose pas. Qu'une flèche ne te touche pas, je me sacrifierai pour toi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. C'est quoi cet amour? C'est l'amour de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la compagnie de son prophète alayhi sallatu salam et pour faire triompher sa religion. Radiyallahu anhum wa ardahum. كذلك ضربون لنا الأمثلة الراعية في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وفي الشجاعة والتضحية والعطاء. Ils nous ont donné les meilleurs des exemples aussi dans le fait de répondre tout de suite à Allah subhanahu wa ta'ala et à son message alayhi salatu salam, et dans la bravure, et dans le sacrifice, et dans le fait de donner. فعندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة بدر لما لاقوا العدو على غير ميعاد وغير استعداد فقال لهم: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille de Badr, a demandé l'opinion des nobles compagnons, quand ils ont rencontré les ennemis d'Allah, sans rendez-vous, et sans être prêts à rencontrer les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il leur a dit, hein, en se concertant avec eux, donnez-moi votre opinion aux gens, dites-moi ce que vous pensez de la situation. Abu Bakr radiyallahu anhu arda, le véridique s'est levé et il a dit des paroles et ces paroles étaient très bonnes et très fortes. Et après Omar ibn Khattab s'est levé et il a parlé avec des paroles qui étaient très bonnes et très fortes. Et le Miqdad ibn Amr s'est levé et il a dit, Ya Rasulallah, va où Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré d'aller. Vas-y, nous sommes avec toi. Par Allah, nous ne dirons pas comme on dit Banu Israël à Moussa. Va avec ton souverain combattre et nous sommes ici à attendre. Mais va avec ton souverain combattre et nous sommes avec vous et nous allons combattre avec vous. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu traverses avec nous, hein, des régions lointaines, nous aurions derrière toi jusqu'à ce que tu arrives à ces endroits. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. Quand il a entendu ces paroles de Miqdad ibn Amr, رسول الله صلى الله عليه وسلم dit du bien à Miqdad, il lui a fait des dua. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس وانما يريد الانصار. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه والله لأكأنك تريدنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أجل. Et après ça, Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit, donnez-moi votre opinion aux gens. Il voulait que les Ansar parlent parce que jusqu'à maintenant il n'y a que les Muhajirun qui ont parlé. Et là, il voulait que l'Ansar parle. Et quand il a dit ceci, il a répété cette parole, donnez-moi votre opinion aux gens. Sa'd ibn Mu'adh, faisant partie de l'Ansar, s'est levé. Il lui a dit, par Allah, tu parles de nous? Tu t'adresses à nous, au messager d'Allah? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui. قال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعتك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ثم قال صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. هذا أخرجه الطبري في تاريخه وابن هشام في سيرته وجاء كذلك في تفسير ابن كثير رحم الله أئمة المسلمين وعلماءهم. Et Saad ibn Mu'ad a dit, Ya Rasulallah, nous avons cru en toi, nous t'avons pris comme véridique, nous avons cru en ce que tu transmets, et nous avons attesté que ce que tu as ramené, c'est la vérité, et nous t'avons donné les pactes, et nous t'avons donné notre pacte pour t'écouter et t'obéir. Va où tu veux au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous serons avec toi et nous sommes avec toi par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Si tu vas, tu t'exposes avec nous vers la mer, nous nagerons et nous traverserons la mer avec toi et derrière toi, et aucun homme parmi nous ne s'absenterait, aucun homme. Et nous ne détestons pas que demain tu rencontres l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala en notre compagnie. Nous sommes endurants dans la guerre, et nous sommes patients dans la guerre, et nous sommes véridiques au moment de la rencontre de l'armée. Et que Allah subhanahu wa ta'ala te fera voir de nous des choses qui vont te faire plaisir et qui vont te contenter de nous. Vas-y avec la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été réjoui par les paroles de Sa'd. Et ceci a donné le courage au messager d'Allah azza wa jal, qui a dit, marchez et attendez la bonne nouvelle du souverain, car Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné l'un des deux groupes. Et comme si je vois par Allah, comme si je vois la place où vont tomber les ennemis d'Allah. Ceci est rapporté dans l'histoire de Tabari, ainsi que dans la biographie d'Ibn Hisham et dans l'exégète d'Ibn Kathir, rahimallahu aimmat al-muslimin. Ikhwat al-Islam, innahum al-rijal al-sadiqoun. إنهم الرجال الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل هذا الدين بعد نبيه فوالله لقد أدوا الأمانة بعد نبيهم وفتحوا قلوب العباد والبلاد ويأتي من بعدهم ونأتي نحن ونضيع العباد والبلاد وإنا لله وإنا إليه راجعون من الله عز وجل كم ديز لي زون دو سيونس لي نوبل كومبانيون دو محمد عليه الصلاه والسلام سو سون دي زوم سو سون لي فيريديك الله سبحانه وتعالى لي زاشوازي بور لا كومباني دو سون ميساج عليه الصلاه والسلام اي بور ترانسميت اي ترانسبورتي اي لا ريليجيون د الله سبحانه وتعالى ابري سون ميساج عليه الصلاه والسلام بار الله اي سو سون اكيتي دو ديبو ابري لور ميساج عليه الصلاه والسلام ils ont conquis les cœurs avant de conquérir les pays. Ils nous sont venus après eux. Nous avons tout négligé. Nous avons négligé les serviteurs d'Allah ainsi que les pays. Nous sommes à Allah et nous revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons d'autre issue que de les suivre, de les prendre comme modèle et d'être sur leur voie dans les croyances, dans la compréhension, dans la mise en application, dans le comportement à tous les niveaux. Ils nous ont donné des exemples dont la dépense sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Regardez frère en Allah Azza wa Jal, combien certains parmi nous, dans différentes régions, peinent pour acquérir le prix de l'allocation d'un centre, pour véhiculer la voix des salaf radhiyallahu anhum. Et regardez maintenant les exemples que nous donnent les nobles compagnons radhiyallahu anhum dont la dépense sur le sentier d'Allah. Amti la fil infaq fi sabilillah. Fahada Umar al-Faruq رضي الله عنه يأتي بنصف ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلك فيقول عمر مثله يا رسول الله وقعدي عمر الفاروق le deuxième خليفة de cette communauté un jour il a ramené la moitié de sa fortune il l'a mis entre les mains du prophète عليه الصلاة والسلام et le رسول صلى الله عليه وسلم le regarde et lui dit qu'est-ce que t'as laissé à ta famille عمر lui dit j'ai laissé la même chose يا رسول الله وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي بكل ماله فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فيقول أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا في سنن الترمذي والحديث حسنه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي وسنن أبي داود Et ça, vous regardez aussi dans ce même hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, par Abi Daoud, authentifié par Sheikh Nasser, rendu bon par Sheikh Nasser, rahimahullah ta'ala. Il dit, Abu Bakr a amené toute sa fortune. Et il l'a mis entre les mains du prophète, alayhi salam. Et le messager d'Allah lui a dit, qu'est-ce que t'as laissé à ta famille? Il lui a dit, je leur ai laissé Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Ceci est rapporté par dans les sunnans du Tirmidhi, ainsi que dans les sunnans de Abi Daoud, rendu bon par Sheikh Nasr, rahmatullah alayh. Hein? Et nous, nos frères, ils peinent pour avoir de quoi payer un centre. Par mois, l'allocation d'un centre, l'allocation d'un moussalla ou autre. Où sommes-nous du sacrifice et de la dépense sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses nobles compagnons. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يردد ذلك مرارا رواه الترمذي والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في سنن الترمذي Et voici maintenant Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu warda, il ramène 1000 dinars dans son tissu et il les met entre les mains du prophète alayhi salatu wassalam pour armer l'armée du temps de la difficulté, jaysh al-usra. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu cet argent, il a commencé à le tourner à droite et à gauche et il a dit salawatu rabbi wa salamu alayhi, après aujourd'hui Tout ce qu'on fera, Uthman ibn Affan lui fera aucun mal. Il n'a pas cessé de répéter cette phrase plusieurs fois. Ceci est rapporté par l'imam Tirmidhi et par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh et l'imam Al-Albani, rahmatullah, il a rendu bon dans son imam Tirmidhi, dans le Mishkat. ويأتيك أقزام القرن العشرين يسبون هؤلاء قاتلهم الله أن يؤفكون والسب أولى بهم et arrive les insensés du 20e siècle, ils insultent ses nobles compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les combat. وهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عندما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها لصدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعا يا رسول الله حيث أراك الله رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. Et voici le noble compagnon Abu Talha al-Ansari, Ridwanullah alayh, quand il a entendu le verset qui dit, vous n'allez pas atteindre la piété et la dévotion jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Écoutez frères, en Allah Azza wa Jal, nous qui sommes avares maintenant pour mettre la main, nous avons des oursins dans la poche pour mettre la main, pour aider à la location d'un centre ou à ce qu'une daura puisse se dérouler dans une région. Regardez ce noble compagnon quand il a entendu ce verset, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a dit au messager d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala dit, vous n'allez pas atteindre la piété et la dévotion jusqu'à ce que vous dépensez de ce que vous aimez. Et l'argent que j'aime le plus, la fortune que j'aime le plus, c'est le jardin de Ha, Bayruha, le puits de Ha, c'est-à-dire hein, la palmeraie. Et Bayruha était juste en face de la Qibla, de la mosquée du prophète. Et il a dit, radiyallahu anhu, si tu nous montes pour Allah, j'espère avec la dévotion et j'espère hein, qu'il me sera réservé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, utilise-la comme tu veux, ya Rasulallah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala te montre de l'utiliser, utilise-la comme tu veux. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc, nous devons méditer la situation de ces nobles compagnons sur tous les niveaux, sur la dépense, etc., pour voir si notre chemin, si la voie sur laquelle nous devons être. وهذا كعب بن مالك رضي الله عنه عندما تاب الله عليه ذهب فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري كعب بن مالك كنت الله سبحانه وتعالى accepté son repentir. Il est allé, il s'est assis entre les mains du messager d'Allah Azza wa Jal. Il lui a dit, ya Rasulallah, fais partie de mon repentir que je délaisse ma fortune comme aumône pour Allah et pour son messager alayhi salatu salam. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari, rahimallahu aimmat al-muslimin. Haoulaï sahabatu Rasulillah, qimmatun fi kulli shay. Al-an, ba'duhum ma'ahu zakat. ولا يدفعونها للفقراء وهؤلاء يأتون بكل أموالهم في سبيل الله ينفقون مما يحبون في سبيل الله. Et à notre époque, certains doivent s'acquitter de la zakat, ils ne le font pas. Et ces nobles compagnons, ils ramènent toute leur fortune à dépenser sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils dépensent ce qu'ils aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le fossé, comment il est énorme. J'ai rencontré quelqu'un une fois, il m'a dit j'ai 150 bâtons à la banque et la banque me donne tant d'argent par intérêt et cet argent d'intérêt je le sors comme zakat. Je lui dis t'as pas le droit déjà à toucher l'intérêt etc. comme disent les hommes de science etc. Tu dois sortir de la zakat, doit être, hein, tu dois la sortir de l'argent et pas de l'usure que tu touches. Il m'a dit, si je sors chaque année la zakat de 150, qu'est-ce qui va rester après? Regardez et comparez cela à ceux qui dépensent de ce qu'ils aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك في التضحية وطلب الشهادة في سبيل الله. Et aussi au niveau du sacrifice, au niveau de demander le fait d'être martyr pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nous ont donné les meilleurs des exemples. Nous devons les méditer, ikhwat al-islam. C'est pour ça que nous devons revenir à la biographie de ces plus aïeux pour comprendre mieux la voie salafie. Et pour maîtriser les règles de cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, parce que ces nobles compagnons, ce sont la mise en pratique de cette voie. فهذا أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسمه وقسم له فجاء الأعرابي فقال ما هذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسمته لك قال الأعرابي ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة الله أكبر رجال صدقوا الله ما عادوا عليه. Et voici un bédouin qui est venu vers le prophète alayhi salatu wasalam. Il a cru au messager alayhi salatu wasalam. Il a suivi le messager alayhi salatu wasalam. Quand il y a eu une bataille, il y a eu un butin. Et dans le butin, il y a eu des femmes, des esclaves, etc. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a partagé pour tout le monde, il a fait la part de ce bédouin. Il l'a donné à ce bédouin. Ce bédouin lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, c'est ta part. Le bédouin lui a dit, c'est pas pour ça que je t'ai suivi. Mais je t'ai suivi pour que je sois atteint par une flèche dans ma gorge. Et que je meure et que je rentre au paradis. Allahu Akbar. Des gens qui étaient véridiques avec le pacte qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala in tasduq Allah yasduq. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu es véridique avec Allah, Allah il sera véridique avec toi. Il te donnera ce que tu veux. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه السهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهوه قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن النسائي رحم الله أئمة المسلمين. Et ils sont restés un laps de temps, après ils se sont levés pour combattre l'ennemi d'Allah. Et on a ramené le bédouin vers le prophète alayhi salatu wasalam, alors qu'une flèche lui a traversé la gorge. Là où il a fait signe, il a dit, je voulais être touché ici, mourir et aller au paradis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est la même personne qui a parlé. Il a dit, Naam ya Rasulullah, c'est lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, regardez cette attestation qu'il a fait et ce témoignage qu'il a eu vis-à-vis de ce noble compagnon. Il a été véridique avec Allah. Allah a été véridique avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce qu'il voulait. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a mis le linceul. Il a prié sur lui. Et dans ce qui est apparu, des du'as qu'il a fait dans sa prière sur ce bédouin, il a dit, oh Allah, ça c'est ton souverain qui est sorti émigrant. Et il est mort, martyr. Et je suis témoin sur ça. Imaginez ce noble dua du messager alayhi salatu wasalam sur ce bédouin qui a été véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cet exemple du sacrifice pour Allah et sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا عمير بن الحمام رضي الله عنه يوم بدر عندما قال النبي لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال عمير بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها فقال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها. Et voici Umair, le Humam, radiyallahu anhu arda, le jour de la bataille de Badr. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses nobles compagnons, levez-vous pour un paradis dont la largeur c'est les cieux et la terre. Umair a dit, bakhin bakhin, c'est une expression sur les Arabes, chez les Arabes. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à dire bakhin bakhin? Il lui a dit, par Allah et au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que j'espère être parmi les gens du paradis. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu fais partie des gens du paradis. Hein? فأخرج عمير ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال إن أنا حييت حتى أكل ثمرات إنها لحياة طويلة فرمى ما كان معه من الثمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له إيه عمير سختي كالكدات ها إلى كمانسي على مانجي. Et tout d'un coup, il regarde les dates et il dit, si je vis jusqu'à ce que je termine ces dates, c'est une longue vie. Il a jeté les dates derrière lui et il est allé au combat, il a commencé à combattre jusqu'à la mort. Et il est mort. Radiyallahu anhu wa arda. Ceci est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Ikhwat al-Islam, as-sahabatul kiram, ridwanullahi alayhim, hum qudwatuna. Wahum a'lamul fadila. وعمدهات الهداية الذين حملوا نور الإسلام في أنحاء المعمورة وأنقذوا البشرية من أغلال الوثنية وأرسوا قواعد الحق والخير والعدل للإنسانية نشروا كلمة الله حتى علت في الأرض ورفرف علم الإسلام في الآفاق ولقد بذلوا في سبيل ذلك قصار جهدهم سهروا من أجل تبليغ كلمة الله ونشرها الليل والنهار دون ملل أو كلل بل كانوا كما أخبر الله عليهم أخبر الله عنهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا إيه خلنا الله عز وجل سنوب الكمبانيون سسون موديل سسون الزمبلم دي فيرتو سسون البرشور دي لغيدي سسون سيو كي ينترانسبورتي il transmet la lumière de l'islam à travers le monde. Ce sont eux qui ont sauvé la communauté humaine de l'associationnisme. Ce sont eux qui ont instauré les règles de la vérité et du bien et de la justice. Et ils ont propagé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Qu'est-ce que hein, l'étendard de l'islam bouge dans tous les sens à travers les horizons. Ils ont mis, sacrifié tout pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour cette religion. Et ils ont veillé, ils ont supporté pour transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour la propager nuit et jour à travers la terre sans se lasser, sans se fatiguer. Ils étaient comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans Surat Al-Imran. Ils se sont pas fatigués, ils n'ont pas faibli pour ce qui leur est arrivé sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont pas arrêtés non plus. فصحابة رسول الله لم يميلوا إلى دعاة ولا أخلدوا إلى راحة لم تغرهم الحياة الدنيا بزخارفها ضحوا بكل غال ورخيص لكي يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Et les nobles compagnons ne se sont pas donnés au confort, ni ils ont cherché le repos et le confort et la plaisance. Et ils ne se sont pas fait avoir par ce bas monde et par les embellissements de ce bas monde. Ils ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher et de moins cher pour sortir les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'adoration des serviteurs vers l'adoration du Créateur des serviteurs d'Allah. Ils ont sorti les gens de l'adoration des gens et les ont orientés vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi ils étaient ridwanullah alayhim. والأمر الرابع الذي يلزمنا أن نعرف منهج صحابة رسول الله أن هناك من فرق الضلالة كالشيعة الشنيعة والخوارج وغيرهم ممن يقع في الصحابة الكرام في الصحابة الكرام بالسب والشتم والتكفير ويتقرب إلى الله بذلك قاتلهم الله أن يؤفكون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إيه هنا الله عز وجل le quatrième point qui fait qu'il est obligatoire qu'on se penche sur la vie de ces nobles compagnons et sur leur voie. Parce qu'il y a beaucoup de groupes d'égarement, comme Shia, comme Rawafid, comme Khawarij, qui dénigrent les nobles compagnons. Les nobles compagnons qui les insultent, qui les rendent mécréants, et qui se rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de les rendre mécréants, par le fait de les insulter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les combatte pour le faux qu'ils propagent, et que l'énorme parole sort de leur bouche, ils ne disent que du mensonge. فإخوة الإسلام هذه السلسلة دفاع وبيان لمكانة صحابة رسول الله وهي واجب على كل مسلم أن يدافع عن صحابة رسول الله وأن يبين منزلتهم وميزتهم ومنهجهم. Donc cette série de cours, frère Allah Azza wa Jal, c'est une série pour défendre la voie du noble compagnon Ridwanullah alayhim et pour la clarifier. Et c'est un devoir de tout musulman de défendre les nobles compagnons et de clarifier leur situation et leur voie. وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ فَهُوَ مَرِيدُ الْقَلْبِ خَبِيثٌ زِنْدِيقٌ. Et celui qui insulte les nobles compagnons, il est malade dans son cœur. C'est un impur et c'est un zindiq. وجاءت الأدلة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح بتحريم سب الصحابة رضوان الله عليهم. Et les preuves sont nombreuses dans la parole d'Allah, dans l'authentique de la Sunna, dans la parole des plusieurs de Allah alim, qui font qu'il est interdit d'insulter les nobles compagnons رضوان الله عليهم. ففي كتاب ربنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dans le verset dans Surat al-Hashr, il est dit: pour les pauvres immigrants qu'on a sortis de leur demeure et qu'on a pris leur fortune, ils cherchent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font triompher Allah, c'est-à-dire la religion d'Allah, ils font triompher le messager d'Allah. Ceux-là, ce sont les véridiques. Et ceux qui étaient à la maison, dans la demeure avant eux, c'est-à-dire à Médine, hein? Et la foi a habité leur cœur. Ils aiment, ils ont aimé ceux qui ont émigré pour eux, vers eux. Ils ne trouvent rien dans leur cœur. Et eux, s'ils ont un besoin, ils préfèrent combler le besoin de ceux qui ont émigré vers eux. Même si eux, ils sont dans le besoin. Et celui qui se préserve de son avarisme, ceux-là font partie des gagnants. Et ceux qui sont venus après eux, ils disent: « Sevrin, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Fais en sorte, ô Allah, que dans nos cœurs il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie pour ceux qui ont cru. Car tu es le clément. » Hein? Donc, et ceux qui sont venus avec eux disent: « Ô Allah, pardonne-nous ainsi que ceux qui, et nos frères qui nous ont devancés dans la voie. » Donc ceux qui les insultent ne rentrent pas dans ce verset, comme disent les exégètes. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et dans l'autre verset, et le premier parmi les immigrants, et l'Ansar, les alliés de Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, eux ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. فيقول أهل العلم أن من هاتين الآيتين يتبين أن الذين يسبون الصحابة ليس ممن اتبعهم بإحسان والذين يسبون الصحابة هم من مرضى القلوب وهم زنادقة. Et les hommes de science disent, il apparaît clairement de ces deux versets que ceux qui insultent les nobles compagnons ne font pas partie de ceux qui les suivent à la perfection. Et ceux qui insultent les nobles compagnons ont des maladies dans le cœur et ce sont des zanadiqa. وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. Il est dit dans notre verset, ceux qui font du mal à Allah et à son messager, Allah les maudit dans ce bas monde et dans le delà, ils auront un châtiment rabaissant. فالذين يسبون أصحاب رسول الله يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله ومن آذى الله فهو مطرود من رحمة الله. Et ceux qui insultent les nobles compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام font du mal au messager d'Allah. Et ceux qui font du mal au messager d'Allah سبحانه وتعالى, Allah سبحانه وتعالى n'aime pas cette situation. Ils sont maudits et chassés de la clémence d'Allah عز وجل. والذين وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثمان مبينا وإثمان مبينا. Et ceux qui font du mal aux croyants et croyantes alors qu'ils ne le méritent pas, qu'ils ne l'ont pas fait, ceux-là se sont mis une charge de lourde sur le dos et un énorme péché sur le dos. فالآية تبين لك تحريم سب الصحابة لأنهم في صدارة المؤمنين. Et le verset te montre comme quoi il est interdit d'insulter les nobles compagnons, car les compagnons ce sont eux les premiers croyants. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فاذا كانت الغيبه حرام في حق اي مسلم فهي في حق الصحابه اشد حرمه فيا ويل من وقع في غيبه الصحابه رضي الله عنهم. Il est dit dans l'autre verset, et que les uns ne médisent pas sur les autres. Est-ce que vous aimez manger la chair de votre frère mort? Si la médisance est interdite au niveau des musulmans en général, il est au niveau des croyants encore plus interdite. Malheur à celui qui médise, qui parle mal sur les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Wa min sunnati nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, et de la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam, les textes qui font qu'il est interdit d'eux d'insulter les nobles compagnons radhiyallahu anhum. Qala sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi فالذي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد حديم ولا نصيفة. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لسكي رابطي بار إمام البخاري والإمام مسلم أدي N'insultez pas mes compagnons par celui qui tient mon âme entre ses mains. Si quelqu'un parmi vous venait à dépenser l'équivalent de la montagne de Hud en or, il ne serait pas arrivé à la moitié du poignet de l'un des compagnons, ni à la poignée d'un compagnon. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. وقال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وابن أبي شيبة وغيره وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة عند الإمام الألباني رحمه الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم dit celui qui insulte mes compagnons, il a la malédiction d'Allah, la malédiction des anges et la malédiction de tous les gens. Ceci est rapporté par Tabarani, il est aussi dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasr rahimahullah et dans Sahih al-Jami'. فليبشر الشيعة والروافض والخوارج وكل من يتشدقون بسب الصحابة بهذا الوعيد واللعنة وهي الطرد من رحمة الله. Et qu'ils s'attendent, que ce soit Shia, que ce soit Rawafid, que ce soit Khawarij, et tout ce qui insulte les nobles compagnons d'Allah de cet avertissement qui est la malédiction, qui est le fait d'être éloigné de la clémence d'Allah. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam sibabu al-muslimu fusuq wa qitaluhu kufr. وهذا فيما روى الإمام البخاري والإمام مسلم. فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي مسلم كان فما الشأن بمن يسب خيار المسلمين والأبرار من عباده المتقين وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, le fait d'insulter le musulman c'est une perversité, le fait de le tuer c'est une mécréance, hein? Et donc cet avertissement, il est pour celui qui insulte n'importe quel musulman. Qu'est-ce qu'il en est quand il insulte les meilleurs des musulmans? Il est plus dévoué parmi les serviteurs d'Allah et ceux qui ont préservé les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les nobles compagnons, ridwanullah alayhim. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا أيمسكوا ألسنتكم فيما شجر بينهم هكذا قال أئمة الدين. Et dans ce qui dans Sahih al-Jami authentifié par Sheikh Nasser رحمه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم dit, quand on cite mes compagnons, retenez vos langues. Et quand on cite les astres, retenez vos langues. Et quand on cite le destin, retenez vos langues. Ça veut dire, concernant les compagnons, qu'on doit retenir nos langues entre les litiges et les problèmes qu'il y a eu entre les nobles compagnons. Radhiyallahu anhum. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, kama jaa fi silsilati sahiha, ahsinu ila ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qui est rapporté dans la chaîne des authentiques de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, soyez bons avec mes compagnons et ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Raïta ya Abdallah, hadi l'ahadith ijtamalat ala tahrimi sabbi sahabati ridwanullahi alayhim kama yaqulu l'ulama. والأحاديث في هذا صدد كثيرة جدا فالواجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع في ذلك ويعتقد حرمة ذلك وأنه من أعظم الذنوب التي لا يقع فيها إلا رافضي غالي جعل للشيطان على نفسه سبيلا يتبعه في كل شيء يأمره به مما فيه معصية لله عز وجل. Et frère Allah Azza wa Jal, dans ces nobles hadiths du messager alayhi salatu wassalam, tu vois clairement serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi il est interdit d'insulter les nobles compagnons d'Allah. Et les textes dans ce sens-là, sont nombreux. Donc il est obligatoire, disent les hommes de science, à tout musulman de faire très attention de ne pas tomber dans la situation d'insulter les nobles compagnons et de croire irréfutablement l'interdiction du fait d'insulter les nobles compagnons. Et que ceci fait partie des énormes péchés dans lesquels ne tombent que des rafidis qui ont fait que Shaitan c'est leur guide, qui ont fait que Shaitan s'est accaparé d'eux. Il les oriente là où il veut, ils le suivent là où il veut Shaitan. Et ils font les désobéissances que leur ordonne Shaitan, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. فتبين لك أن السنة دلت على أن سب الصحابة من أكبر الكبائر وأفجر الفجور وأن من ابتلي بذلك فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Partir de là, tu vois clairement, frère en Allah Azza wa Jal, que ce soit dans la sunna ou dans la parole d'Allah, que le fait d'insulter les nobles compagnons fait partie des péchés capitaux et de la grande perversité et le fait de dépasser ses limites. Et celui qui a été éprouvé avec ça, il s'est égaré dans ce bas monde. Il croit lui qu'il est dans un bien, mais il s'est égaré un énorme égarement. وفق الله سبحانه وتعالى أهل الحديث أهل الفرقة الناجية أهل الفرقة المنصورة السلفيون لاحترام الصحابة ومعرفة حقهم وذكرهم بالجميل اللائق بهم وحفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حيث اعتقدوا ما دل عليه الكتاب والسنة فيما يجب لهم من الحق على الخلق بعدهم حفظ الله أحياءهم ورحم موتاهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala accomplit dans le bien et dans le chemin du bien les salafis, les gens du groupe sauvé, les gens du groupe victorieux qui sont les mêmes, les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, à respecter Allah subhanahu wa ta'ala, les a orientés et les a accomplis dans le fait de respecter les nobles compagnons d'Allah et reconnaître les droits de ces nobles compagnons et de ne citer ces nobles compagnons qu'avec le bien qui leur est dû. Ils ont préservé en cela le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru en ces nobles compagnons ce qui leur a été dicté par le Coran et par la Sunna. Ils se sont acquittés de leurs devoirs vis-à-vis de ces nobles compagnons d'Allah alayhim. Que Allah subhanahu wa ta'ala préserve les vivants parmi les salafis et que Allah subhanahu wa ta'ala comble de sa sainte miséricorde leur mort. فمن أقوال السلف في صحابة رسول الله قول الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام المبجل، يقول رحمه الله: ومن الحجة الواضحة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو تنقص أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. L'imam Ahmed, dans son livre La Sunna de l'imam Ahmed, il a dit: ce grand imam, l'imam des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, ce noble imam, il dit, fait partie des preuves qui sont claires et qui sont connues. C'est le fait de ne citer, de ne parler que des bienfaits des nobles compagnons, tous, et de ne le citer qu'avec le bien, et de ne pas citer leurs défauts, ces défauts il y a. Et de ne pas parler de leurs divergences et des problèmes qu'il y a eu entre eux. Et celui qui insulte les nobles compagnons du messager alayhissalam, tous ou un parmi eux, ou celui qui les dénigre, ou celui qui fait des insinuations pour les dénigrer, ou celui qui parle au mal d'eux, celui-là est un innovateur, rafidite, impur. Il est un mukhalif, un divergent avec la voix. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte rien de lui. يقول رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيع جناته بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. Il dit, rahimahullah ta'ala, et toujours les paroles sont à l'imam Ahmed, le fait d'aimer les nobles compagnons, c'est une sunnah. Le fait de leur faire des du'as, c'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de les prendre comme modèle, c'est un moyen. Un moyen pourquoi? Pour arriver vers l'agrément d'Allah. Et le fait de suivre et de mettre en application leurs preuves, leurs paroles, leurs actes, c'est une vertu. Et les nobles les compagnons de Mohammed alayhissalam, ce sont les meilleurs de l'humanité. Il n'est pas permis à quelqu'un de parler au mal d'eux, ni de les dénigrer, ni de dénigrer un parmi eux, et de les citer avec un défaut ou de les diminuer. Ici s'arrêtent les paroles de l'imam Ahmed rahimahullah. Wa qala l'imam Tahawi fi aqidatihi rahimahullah wa ghafara lah. Aqidatu ahli sunnati wal jama'ah. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. شرح العقيدة الطحاوية. إيه الإمام الطحاوي رحمه الله dans sa aqidah, qui est l'aqidah des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, il dit concernant les nobles compagnons: et nous aimons les nobles compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous négligeons l'amour d'aucun compagnon, et on désavoue aucun compagnon, et on déteste ceux qui les détestent, et on déteste ceux qui les citent avec le mal, et on ne cite les nobles compagnons de Mohammed alayhissalam qu'avec le bien. Le fait de les aimer, c'est une religion. Le fait de les aimer, c'est la foi. Le fait de les aimer, c'est la bienfaisance. Le fait de les détester, c'est la mécréance. Et c'est l'hypocrisie. Et c'est Torian, c'est le fait de dépasser ses limites. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كن ريونيس avec les nobles compagnons, avec les nobles compagnons du messager عليه الصلاة والسلام au paradis, et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui se cramponnent à leur voix, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de la déviance, qu'il nous donne la clairvoyance sur cette voie, et qu'il fasse que notre vie se termine sur cette voie. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa sallallahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.